بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا في الدروس السابقة الكلام المتعلق بصلاة الفجر والظهر واليوم معنا صلاة العصر. Nous avons vu lors des cours précédents ce qui est lié à la prière du Asr et du, excusez-moi, la prière du Fajr et du Dhuhr. Et aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, la prière du Asr. Faqala Jabir fi hadithina. Et donc Jabir, il dit dans le hadith qu'on voit aujourd'hui, qu'on étudie déjà depuis donc hier. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. Le prophète صلى الله عليه وسلم accomplissait la prière du Zuhur بالهاجرة. On a dit, c'est-à-dire au moment du déclin du soleil. Et العصر, alors que le soleil était encore vif. C'est-à-dire أن الشمس لم تصفر. C'est-à-dire que le soleil n'avait pas encore changé de couleur, n'était pas encore passé à l'orange qu'on a à la fin de la journée. Le soleil qui devient moins éclatant et qui tourne vers l'orange. Les savants les appellent ça al-isfirar. فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله. Et donc la majorité des savants, c'est-à-dire المالكية, الشافعية et الحنابلة, ils voient que le début du temps du Asr est à partir du moment où l'ombre de toute chose est égale à elle-même. دليلهم حديث جبريل الذي رأينا بالأمس. Leur preuve est le hadith de Jibril qu'on a vu hier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec Jibril. فصلى معه العصر حين كان ظل كل شيء مثله. Alors il a prié l'asr avec lui alors que يرحمك الله, il a prié l'asr avec lui alors que l'ombre de toute chose était égale à elle-même. Wa qala Abu Hanifa in awwal waqt adh-dhuhr idha kana dhillu kulli shay'in mithlihi. Et Abu Hanifa lui, il dit que le début du temps du Asr, excusez-moi, awwal waqt Asr, hinama kana dhillu kulli shay'in mithlihi. Donc le début du temps du Asr est lorsque l'ombre de toute chose était représentait le double de cette chose. Et le dalil de Abu Hanifa est le même dalil qu'on a vu hier pour la fin du Dhuhr. Le même dalil qu'on a vu hier avec donc l'histoire ou du moins le hadith qui stipule les mérites de cette communauté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité donc que les gens de la Torah ont œuvré jusqu'au milieu de la journée, puis les gens de l'évangile ont œuvré jusqu'au Asr, puis cette communauté a œuvré jusqu'au coucher du soleil. Et on a cité que ce hadith montre les mérites de cette communauté, mais n'a rien à voir avec, n'est pas lié aux horaires de prière. Yarhamukallah. Thumma ikhtalafa al-ulama. Et donc l'avis le plus juste, avant de passer au deuxième sujet, l'avis le plus juste, bien entendu, donc l'avis de l'jumhur, la majorité des savants, c'est-à-dire awwal waqt al-asr, hina sayrurati c'est à partir du moment où l'ombre de toute chose devient égale à elle-même. C'est le début du Asr. Ensuite, il faut savoir que les savants, ils ont divergé concernant la fin du temps du Asr, avec plusieurs avis. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في الباب. La cause de la divergence, c'est la divergence des hadiths qui sont rapportés dans le sujet. Les hadiths qui sont rapportés dans le sujet eux-mêmes montrent des horaires différents. Et donc les savants, et donc, par cela, par cette cause, les savants, ils ont divergé. فَإِنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ. Avant déjà, il y a un point que j'aimerais aborder. Beaucoup de gens, ils se posent la question, mais pourquoi les divergences? Pourquoi est-ce que dans ce sujet, il y a plusieurs hadiths et que chaque hadith montre un moment différent et qu'après, les savants, ils vont diverger. On va avoir le madhhab Hanbali, le madhhab Shafi'i, etc. Pourquoi il y a la divergence? Mais le hikma, quelle est la sagesse? Ya ikhwa, min hadhihi al-umur yatamayyazu من يريد الحق ويسعى إليه ويبحث ويسأل ممن لا يتحب. Avec ce genre de choses se distinguent ceux qui veulent la vérité, qui vont chercher, qui vont demander, savoir quel est le meilleur avis. Ils vont chercher, ils vont avoir peur de se tromper. Ceux qui veulent vraiment se rapprocher de leur Seigneur. Et ceux qui veulent juste rester chez eux tranquille. Et qu'on leur dise, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fayatamayyazul khalq. Et donc les gens, les créatures, ils se distinguent. Et donc, فَإِنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ لَمَّا أَمَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ مَعَهُ لَمَّا صَارَ ذِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. Et donc, le hadith, il a été rapporté dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié l'Asr à deux moments. Il a prié l'Asr lorsque l'ombre de toute chose était égale à elle-même, ça c'est le premier jour. Et le deuxième jour, il a prié l'Asr lorsque l'ombre de toute chose représentait le double de cette chose. Et donc, ça nous montre que le temps du Asr, il va jusqu'à ce que l'ombre de toute chose soit égale au double de cette chose. Wa kadhalika ja'a fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala waqtu al-'asr ma lam tasfar ash-shams. Et il a été rapporté dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le temps du Asr, le temps du Asr dure tant que le soleil ne devient pas orange. Tant que le soleil ne devient pas orange. Wa hadha yakunu بعد كون ظل كل شيء مثلي. Et le fait que le soleil devienne orange ou tourne vers le orange, cela c'est après que l'ombre de toute chose représente le double de chaque chose. Et donc si tu regardes chronologiquement, d'abord tu auras l'ombre de toute chose qui représente le double, l'ombre de toute chose qui est égale à elle-même, ensuite l'ombre de toute chose qui représente le double de chaque chose, et ensuite le soleil qui devient orange, qui tourne vers l'orange. Et donc ça nous fait déjà deux hadiths dans ce sujet, concernant la fin de l'heure, la fin du temps du Asr. Wa kadhalika ja'a fi hadith Abi Hurayra fi sahihayn anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Il a été aussi rapporté dans Sahihayn selon Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteint une unité de prière du Asr avant que le soleil ne se couche aura atteint la prière du Asr. إذن كيف نفعل؟ كمان فعل؟ فاختلفت العلماء على حسب هذه الأحاديث الواردة التي قرأناها عليكم. Et donc les savants, ils ont divergé en fonction des hadiths qui ont été rapportés dans ce sujet que je vous ai lu précédemment. والراجح من أقوال العلماء القول بالجمع بين النصوص كما قلنا لكم سابقا. Et donc, et l'avis le plus juste des avis des savants ici, c'est l'avis qui montre le fait de rassembler tous les textes qui sont rapportés. Comme on vous l'a cité précédemment, فإننا قلنا أكثر من مرة أن إن العمل بالنصوص كلها أولى من العمل ببعض وترك البعض. Car on a dit plusieurs fois que il est préférable d'œuvrer avec tous les textes plutôt que d'œuvrer avec certains et de délaisser d'autres. Et donc, comment on va faire pour œuvrer avec tous les textes qui ont été stipulés dans ce sujet? فقال الطائفة من العلماء بالتفريق بين الوقت الضروري والوقت الاختياري. Et donc certains savants, ils ont dit qu'il fallait distinguer et faire la différence entre le temps d'ad-daruri, c'est-à-dire le temps d'excuse, on va dire. C'est pour ceux qui est excusé. On va pas traduire le mot daruri, mais l'explication, ce qui est voulu par là, c'est ceux qui sont excusés. Le temps concernant ceux qui sont excusés. Wal ikhtiyari, c'est le temps pour ceux qui ont le choix. Ceux qui ont le choix. Fa waqtu al-ikhtiyari min sayurati dhill kulli shay'in mithlahu ila sfirar ash-shams. Et donc le temps concernant ceux qui ont le choix, il commence à partir du moment où l'ombre de toute chose est égale à elle-même jusqu'à ce que le soleil devienne à peu près tourne vers le orange. Wal waqtu ad-daruri min isfirar ash-shams ila qubayl ghurub ash-shams bima yuqaribu al-qiyam bi rak'atin wahida. Tandis que le temps concernant ceux qui sont excusés, il commence à partir du moment où le soleil devient orange jusqu'à un peu avant le coucher du soleil. Donc ce temps qui représente la capacité d'accomplir une unité de prière. Une unité de prière. Wal waqtu ad-daruri waqtun li ahli al-a'zar kal ha'id allati tahurat fi hadha al-waqt. Et donc, le temps qui est spécifique aux gens qui sont excusés va rentrer dans ce temps-là la femme menstruée qui s'est purifiée à ce moment-là. La femme, elle avait ses menstrues, elle s'est purifiée après que le soleil soit devenu, tourne vers le orange. On ne va pas lui dire « Ah, khalas, le temps du asr est terminé, Inch'Allah, tu commences au maghrib. » Non, on lui dit « Tu pries l'asr. Tu pries l'asr, c'est pas fini. » El kafir allazi aslam, l'incroyant qui se convertit à ce moment-là, prie. El mourma alay, celui qui s'est évanoui, qui se réveille à ce moment-là, prie. El na'im, celui qui dormait, prie. Taib allazi akhara as-salata amdan, celui qui fait retarder la prière intentionnellement après que le soleil devienne orange. On lui dit quoi? On lui dit prie, et on lui dit khalas. On lui dit prie. On lui dit prie, wa anta muqassir. Prie et tu es négligent. Certains savants, ils disent, wa anta athim, tu es pécheur d'avoir dépassé les limites données par la législation. Et c'est là qu'on voit tous nos frères qui sont éprouvés par ça. Au travail. Le asr, il vient, Et Inch'Allah, la pause, c'est bi'idhnillah, une demi-heure avant le Maghreb. Alhamdulillah, c'est bon. Une demi-heure avant le Maghreb, le soleil, il est orange. Presque en train de se coucher. Rappelez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Celle-ci est la prière de l'hypocrite. Celle-ci est la prière de l'hypocrite. Wal muslim la yarda an yuqal anhu innahu munafiq. Et le musulman, il n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il est hypocrite. Et donc il ne se met pas dans une telle situation. Il veut, il cherche l'agrément de son Seigneur. Il va donc accomplir la prière à son temps. À son temps. فَهَذَا الْقَوْلِ يَا إِخْوَةَ هُوَ الرَّاجِحُ وَالَّذِي بِهِ نَجْمَعُ الْأَدِلَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ. Et cet avis est l'avis le plus juste. Et c'est par celui-ci qu'on va rassembler les textes stipulés dans ce sujet. وَأُحِبُّ أَنْ أَذْكُرَ أن الصلاة تدرك بركعة. Donc on a deux sujets encore avant de finir. J'aimerais bien donc citer que la prière, on l'atteint avec une unité de prière. فمن استطاع أن يركع ركعة قبل غروب الشمس فصلاته صحيحة. Alors celui qui a la capacité d'accomplir une unité de prière avant le coucher du soleil, alors sa prière elle est authentique. Même s'il finit la prière après le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, il a fait une unité, la prière elle est authentique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui accomplit une unité de prière avant le coucher du soleil, aura accompli l'asr, aura atteint l'asr. Tu as réussi à faire une unité, ta prière elle est authentique. Le reste, tu termines. Ta prière, elle est correcte. Cependant, si tu as intentionnellement fait retarder la prière, alors tu es responsable et tu es négligent car tu as dépassé les limites. Ta prière, elle est acceptée. Mais fais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Ne laisse pas, donc, ne laisse pas le shaitan t'inciter à faire sortir la prière de son temps. Ne te laisse pas avoir par ton ennemi déclaré, le diable. Et enfin, ya ikhwan lil faida, pour finir, ra'ayna sabiqan hadith Abdullah ibn Umar, حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل هذه الأمة في صحيح البخاري. On a vu précédemment le hadith d'Abdullah ibn Omar dans Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les mérites de cette communauté. Le hadith qu'on a lu hier. Donc, la Torah a été donnée aux gens de la Torah qui ont œuvré jusqu'à la moitié de la journée. Puis, il leur a été donné à chacun d'entre eux un kirat. Ensuite, les gens de l'évangile qui ont œuvré du dhuhr jusqu'à l'asr. Il leur a été donné un kirat. Et enfin, les gens, donc les musulmans, il leur fut donné le Coran et ils ont œuvré du Asar jusqu'au Maghreb. Du Asar jusqu'au Maghreb. Et il leur fut donné deux kirat. L'imam al-Bukhari, il a cité ce hadith dans le chapitre باب من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. Chapitre, celui qui atteint, qui accomplit, qui a la capacité d'accomplir une unité de prière du Asr, alors il a accompli la prière du Asr. Alors sa prière du Asr est correcte. Pourquoi est-ce qu'Al-Bukhari cite ce hadith dans ce chapitre-là? Pourquoi est-ce que le Bukhari il cite ce hadith dans ce chapitre? Hein? Non. Celui qui accomplit une unité du Asar a accompli l'Asar. C'est-à-dire, il accomplit une unité du Asar Par rapport avant le maghrib. C'est-à-dire par rapport avant le maghrib. Quand tu commences ta prière, et pendant que tu pries, t'es en train de... Pendant que tu pries, tu termines. Voilà. Mais il est où le lien avec ce hadith? Il est où le lien? Quand on vous dit fiqh al-Bukhari, la compréhension d'al-Bukhari, parfois les gens ils cherchent pourquoi al-Bukhari a cité ce hadith ici. Pourquoi? Hein? Là. Ibn Hajar le cite parmi les aqwal, parmi les paroles des savants sur ça. Regardez. Le fait que les gens de la Torah, ils ont œuvré donc jusqu'à la moitié de la journée. Et leur récompense fut un kirat par personne. On est d'accord? Un kirat par personne, la moitié de la journée. Et donc, la récompense pour la moitié de la journée, c'est un kirat. Les gens de l'évangile, ils ont œuvré du Dhuhr jusqu'au Asar. Ça, c'est un quart de la journée. Du Dhuhr jusqu'au Asar. Un kirat. Fadlullah yu'ti man yasha. Allah, il a donné, il accorde ses bienfaits à qui il veut. Ses faveurs à qui il veut. Les croyants, ils ont œuvré du Asar. Donc, les musulmans, donc les gens du Coran, ils ont œuvré du Asar jusqu'au Maghreb. Un quart de la journée. Un quart de la journée. Ils ont eu deux kirat. Et donc, les premiers qui ont œuvré la moitié de la journée, ils ont eu un kirat. La récompense pour œuvrer toute la journée, c'est combien de kirat? C'est deux kirat. Les gens du Coran, ils ont œuvré un quart de la journée et ils ont eu deux kirat. La récompense qui est donnée à... au fait d'œuvrer la journée tout entière. Il dit donc, de la même façon que Allah tabaraka wa ta'ala a accordé les faveurs à cette communauté où il a fait qu'ils œuvrent un quart du temps de la journée et qu'ils sont récompensés et qu'ils ont la récompense complète malgré le fait qu'ils n'ont œuvré qu'un quart du temps de la journée, de la même façon, celui qui a réussi à accomplir un quart de la prière du Asar, puisqu'il y a quatre unités de prière en Asar, celui qui a accompli un quart, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde ses faveurs et lui permet d'avoir atteint l'Asar. El-Ulema. Subhanallah. On va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك